c'est la mer, cousin. 9-1-9-4, c'est la mer. Les gosses ils veulent tous grandir, les petits veulent tous partir de plus en plus vite. Et ça pour l'avenir, y'a plus de minic, plus d'histoire de fric pour sortir les mises. Ouais, j't'ai le shit, t'es pas chiche, ça existe plus, y'a plus de chichi. On tapait la démarche avec nos startups. Maintenant c'est les vrais artifacts, tout ça pour des blagues. Y'a que la Starac en recours, on reste capé. Derrière les barreaux, on est tous capés. Ta progression décapée, t'as chaviré entre le bon et le mauvais. Son mauvais revers, t'es tombé, la terre tourne et toi tu déraillais. Arrête de racailler, va à l'école, étudier. Ta mère est fière même sans billets, les yeux qui brillaient. Chaque fois quand tu franchis ce palier, en réconfort pour elle. Mais demain tu te lèves toujours dans ce putain de décor. Mes rimes valent pas de l'or, mais pour ma mère, je me lèverai jusqu'à la mort. Et pour elle, je la rendrai fière jusqu'à l'aurore. À 12 ans, ça fait ce qu'à 23 ans je fais. C'est pour les petits cons, les petits cons, les petits cons, les petits cons. Génération bad, génération bad boy. C'est pour les petits cons. Les petits ont trop de vie pour pouvoir leur mettre. C'est pour les petits cons, les petits cons, les petits cons. Jeunesse qui crie à bas les bleus, pense qu'à faire rentrer le blé. Le sky dans le gobelet, vie grave la habla. Génération bon qu'à vendre. Meilleur ami dans la street et au poste pour qu'à ventre. Je regarde les types, j'en vois aucun net. Je les vois rentrer en masse à ED juste pour acheter une canette. Jeunesse inconsciente, j'emmerde les aînés. QN 160, question se vit. On a un cul de 160. Marmot, si tu veux devenir quelqu'un, sors du troupeau, évite l'engrenage, demande à Hulk quinquin. Mauvais élève, apprends à fermer tes lèvres. Rentre dans le système, même si de la vie t'es pas love. Jeunesse impolie, sors pas du check sans brolique. Génération coup de pression, te jaunis le caleçon. Certains naissent qu'on d'autres naissent bi. D'autres rentrent dans l'esprit de s'en sortir grâce au Nesby. Les petites portent la ficelle, ils sont plus fiers des purs. C'est pour les petits cons, les petits cons, les petits cons, les petits cons. Jeunesse qui part au charbon avec la cagoule. C'est pour les petits cons, les petits cons, les petits cons, les petits cons. Collectionne les méfaits et laisse les parents taffer. C'est pour les petits cons, les petits cons, les petits cons. Génération dingue. Moi rien, un petit sort un flingue. Il serait prêt à tirer sur un ancien qui a plus de 35 années. De plus que lui, eux mon respect l'ont banni. L'ont égorgé à 300 paniques. Les détections de fou ont remplacé les détections de foot. Ce sera celui qui sort du lot, qui se défoule mec. Qui maîtrise la technique du foulet. Aura sa place dans la dream team des fous mec. Des fous mec, des fous mec. Les petits eux-mêmes connaissent la fumette. S'en foutent même, des rampes répondent au lieu de se soumettre. Je sais pas où ça les mène. Tout droit dans le mur ou bien dans le panneau même. Nous à l'époque on n'était pas les mêmes. Regarde même en reçoit, la Smirnoff a remplacé le coca. Et les petits se prennent pour des restats. Pour l'état c'est rentable, les petits alimentent les caisses en amont. Et plus en avance et plus la relève en savent.